1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi donc, mes frères, quand je suis venu vers vous, je n'y suis point venu avec des discours pompeux, remplis de la sagesse humaine, en vous annonçant le témoignage de Dieu. Parce que je ne me suis proposé de savoir autre chose parmi vous, que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et j'ai même été parmi vous dans la faiblesse, dans la crainte, et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication, n'a point été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en évidence d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit point l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Or nous proposons une sagesse entre les parfaits, une sagesse, dis-je, qui n'est point de ce monde, ni des princes de ce siècle, qui vont être anéantis. Mais nous proposons la sagesse de Dieu, qui est en mystère, c'est-à-dire, cachée, laquelle Dieu avait, avant les siècles, déterminé à notre gloire, et laquelle aucun des princes de ce siècle n'a connu, car s'ils l'eussent connu, jamais ils n'eussent crucifié le Seigneur de gloire. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point ouïes, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, lesquelles Dieu a préparées à ceux qu'il aime. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui est-ce des hommes qui sachent les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, nul n'a connu les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or nous avons reçu, non point l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu, lesquelles aussi nous proposons, non point avec les paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, et il ne peut même les entendre, parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses, et il n'est jugé de personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire, mais nous avons connu la pensée de Christ.